Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre français intitulé « Ça peut pas rater » de Gilles Le Gardinier. Alors, c'est un livre comment faire à Noël, voilà, c'est un petit livre léger, on va dire c'est un livre grand public. Hein, ça va pas chercher à faire une prose trop compliquée, c'est assez consensuel, voilà. Alors évidemment, je m'étais dit, après avoir lu deux livres quand même assez féministes et qui n'étaient pas de la fiction, j'avais envie de lire quelque chose de plus léger. Donc c'était le bon livre par rapport à ces critères-là. Le livre en soi, il est assez drôle. L'histoire, c'est alors Marie qui rompt avec son copain de je ne sais plus combien d'années. Qui se retrouve donc toute seule, à son travail c'est également difficile, donc rien ne va. Et bon, évidemment, il va lui arriver des péripéties, elle va rencontrer de nouvelles personnes, etc. Donc en soi, voilà, c'était assez sympa. Voilà. Et donc c'est dit du point de vue d'une femme, et c'est écrit par un homme. Ce que je dis, ça a son importance, enfin ça viendra ensuite. Le livre, je l'ai vraiment trouvé assez drôle. Ça se voit notamment par rapport au nombre de citations que vous pourrez trouver sous ce petit lecteur, donc ce petit lecteur audio. Quand soudain, donc tout allait bien, quand soudain, page 313, alors évidemment c'était, il y avait des, comment on dit, des indices avant la page 313, mais là... Je vais vous lire, puisque après avoir lu un livre, on va dire, sur le féminisme, c'est sûr que, bon, on est plus sensible à ce genre de choses. Donc ça commence. Installé près des enfants qui testent leur nouveau jouet, nous lions connaissance. Mathéo émet le grondement du moteur de la voiture qu'il fait rouler sur les bras de sa mère, et Quentin imite le sifflement de la turbine en faisant voler sa fusée. Nos premiers échanges concernent les hommes, un sujet universel sur lequel nous sommes souvent d'accord. Nous plaisantons sur l'état de la cuisine lorsqu'ils auront fini de préparer le seul repas, sur plus de 600, dont ils vont s'occuper en un an. Pour une fois qu'ils se servent de ce qu'ils nous obligent à utiliser toute l'année, Kevin n'arrête pas de râler. C'est mal conçu! Où est-ce qu'on pose ça dans ce soir? Pourquoi faut-il se contorsionner pour attraper les poêles? De son fauteuil, Clara répond. T'as raison, c'est nul, mais le cuisiniste et toi l'avez imaginé comme des grands pendant que j'étais à la maternité, comme si vous ne pouviez pas attendre que je sorte. Et si tu trouves que c'est petit, tu n'as qu'à m'offrir une maison de 500 mètres carrés, bienvenue dans mon monde. Eh, j'espère que ça va être bon. Mélanie lâche. C'est pas avec les recettes que l'on trouve dans leur revue qu'ils vont apprendre à faire la tambouille. Des motos, des montres, des caisses et des filles. Vroom vroom, tic-tac, tut-tut et pouet-pouet camion. C'est ça les filles, réplique Kevin en riant. Prenez-nous pour des demeurés, il n'y a qu'à feuilleter vos magazines pour se rendre compte à quel point vous êtes plus futés que nous. Les garçons rigolent. Il y en a un qui prend une caricature de voix féminine pour déclarer « Oh mon Dieu, mon horoscope dit que je vais me casser un ongle, ma peau est sèche et je n'ai pas le sac à main à la mode, je vais mourir !» Ils sont écroulés de rire, nous aussi. Un autre ajoute avec une voix du même genre « Est-ce que mourir fait maigrir? Parce que là, ça peut m'intéresser, à condition que ça ne rende pas les cheveux cassants. Pour le savoir, découvrez nos infos exclusives et faites le test psycho, page 32. » Voilà. Non, je vais continuer. Qui a pris cette voix de cinglé survoltée? Est-ce Sandro, d'habitude si réservé, qui se lâche? Ou Alexandre, toujours si sérieux? Il y en a un des deux qui cache bien son jeu. Les garçons continuent à blaguer sur nous. De notre côté, on se paye leur tête. Le fait est que même séparés, hommes et femmes ne font que se chercher. Voilà. Donc, ils se marrent. Moi, juste, pas du tout. J'ai trouvé ça, mais d'un caricatural au possible. Et même en relisant, alors que j'ai lu d'autres livres depuis, même en relisant cet extrait, mais je suis atterrée. Mais comment on peut encore en 2016, bon peut-être la 2015, écrire des choses comme ça? Enfin, dans quel monde vivent en fait les lecteurs de ce livre? Donc, j'en ai pas, personne que je connais n'a lu ce livre, donc je n'ai pas pu en parler. Mais voilà, tout ce qui était bon, sympathique, évidemment, voilà, ça se prenait pas la tête, hein. Mais alors là, écoutez, c'était, je me suis même mis un marque-page pour en parler parce que c'était impossible de ne pas mentionner cet extrait. Donc voilà. Donc si vous voulez lire un livre qui vous prend pas la tête, qui est quand même très caricatural, eh ben écoutez, allez-y, ne vous gênez pas. Voilà, c'est ça m'a bien diverti, c'était ce dont j'avais besoin. Mais voilà, maintenant évidemment, je ne peux plus lire les choses de la même façon. Et voilà, et donc tant pis, tant pis. Donc ça peut pas rater. Bah ici, si, parfois ça peut rater. Parfois il y a des ratés dans un tel livre. Voilà, donc ça c'était mon avis sur cette fiction. J'en suis encore juste abasourdie. Voilà, j'avais l'impression qu'on était quand même encore capable de faire des livres un peu plus aboutis. Mais bon, j'imagine que ça plaît à certaines personnes puisque ce n'est pas son premier livre et que ça a l'air de bien marcher. Voilà, donc déçue par le livre, même si cela m'a divertie, je peux pas le conseiller. Voilà, je ne peux juste pas vous le conseiller. Bah, je vous dis une bonne journée et puis je vous souhaite des lectures un petit peu plus intéressantes que celle-ci. Voilà.